Donc en fait, moi je me demandais, en fait j'ai l'impression que le design d'expérience, ça se base sur, enfin il y a un objectif premier qui est de proposer de nouveaux objets, de nouvelles technologies, et en se basant qui seront à vendre, et en se basant sur un postulat qui est que ces objets, ces technologies seront au service en quelque sorte du bonheur. Est-ce qu'il y a pas, enfin est-ce que ça s'est pas questionné? C'est pas une vision qui est un peu naïve. Enfin, est-ce que déjà il y a cette vision ou pas? Est-ce que s'il y a cette vision, il ne faut pas la questionner? Et ça m'amène à un autre point qui est, tu parlais de la médecine, tu faisais un parallèle qui était intéressant. Et dans les études de médecine, il y a aussi la question de l'éthique qui est enseignée. Est-ce que en UX, on ne devrait pas peut-être plus prendre en compte cette question de l'éthique et l'intégrer dans la formation à l'UX? Pour la première, sur ce qui est côté bisounours, rendre les gens heureux, etc. Oui, les théories que j'ai présentées là sont des théories de la psychologie positive, qui a effectivement pour but de rendre les gens. Je parle bien? Non, ça va? Qui a effectivement pour but, en fait, de rendre les gens heureux, d'apporter du positivisme. Ça ne veut pas dire, ceci dit, qu'on doit limiter l'UX design à ça, parce qu'en fait, quand on dit on conçoit, on façonne des expériences, c'est pas toujours des expériences de plaisir. Il y a des cas particuliers où on veut façonner des expériences qui sont peut-être des expériences d'attention ou d'impression de sécurité, ou de, tu sais, des expériences même sécuritaires. Donc en voiture, par exemple, on n'a pas du tout envie que le GPS de la voiture te déstresse au point que tu fasses plus attention à la route. Donc on n'est pas toujours sur le fait de créer des expériences positives. Et l'expérience que tu choisis, elle va vraiment dépendre de ton contexte d'utilisation et du système, enfin de ce que tu soutiens là derrière. Mais c'est sûr que sur les théories des émotions, là j'ai parlé des émotions positives, donc d'office ça fait penser à ça, les besoins aussi. Mais il y a aussi beaucoup de designers qui ont fait des recherches récentes sur comment créer des expériences inconfortables. Et est-ce qu'on veut créer des expériences inconfortables et dans quel contexte on peut vouloir créer ça? Bah, il y a des contextes où on peut vouloir créer une expérience inconfortable pour un enfant quand il approche un objet dangereux. Comme ça, il se souvient et il ne revient pas la prochaine fois. On peut aussi vouloir créer des expériences inconfortables pour faire réfléchir, pour mener à une réflexion. Si on regarde la photo box, elle n'est pas forcément confortable dès le début, parce qu'elle fait de l'impatience, de la frustration, et en fait, elle fait réfléchir au lien à la technologie, donc elle crée quelque part, par l'inconfort, autre chose. Et il y a en fait aussi, j'aurais pu vous montrer aujourd'hui, il y a des chercheurs allemands qui ont développé quelque chose qu'on appelle l'esthétique de la friction. L'esthétique de la friction, c'est faire des objets qui sont un petit peu embêtants et qui vous permettent de changer votre comportement sur des choses particulières. Donc notamment qui vous permettent de moins procrastiner, qui vous permettent de prendre plutôt les escaliers que l'ascenseur, ce genre de choses. Alors pour l'ascenseur, ils ont créé ce qu'ils appellent il y a un truc, il y a un jeu de mots avec elevator, je ne sais plus comment c'est, où en fait c'est un ascenseur où quand vous voulez aller au cinquième, d'office l'ascenseur vous emmène au quatrième. Comme ça, vous marchez un étage et vous avez fait un peu d'effort. Donc l'expérience, elle n'est pas positive, mais en fait, c'est une friction qui est à la limite du désagréable et qui, en plus, en même temps, vous pousse à faire quelque chose qui est bon pour vous. Donc ce n'est pas complètement positif. Vous préféreriez largement qu'on vous emmène directement à votre étage, comme ça, vous n'avez pas besoin de marcher et de vous fatiguer. Mais on vous pousse un petit peu, on vous donne un petit coup de main. Pour la procrastination, ce qu'ils ont fait, c'est un espèce de petit calendrier de salon où, sur des petits aimants, vous mettez votre to-do list, donc les actions que vous voulez réaliser. Et en fait, chaque jour, le calendrier tourne d'une journée jusqu'au jour où vous arrivez à votre aimant. Et ce qui se passe le jour où vous avez arrivé à votre aimant, si vous n'avez pas encore réalisé l'action, donc vous avez procrastiné, l'aimant, en fait, tombe du calendrier et vous saute à la tête dans votre salon. C'est-à-dire qu'il tombe sur votre tapis comme ça. Pfiou. Et c'est en fait un moyen de vous rappeler que vous avez procrastiné, que ce n'est pas bien. Et du coup, en vous forçant à ramasser l'aimant, ça vous fait un peu culpabiliser. Et ça vous fait un peu faire le truc qui du coup est par terre, parce que vous dites, bon, oui, je devais appeler ma grand-mère, ça fait 3 semaines, j'avais pas envie. Allez, maintenant je le fais, comme ça je peux évacuer cet aimant et mettre autre chose sur ma to-do list. Donc il y a aussi des interactions qui sont pas toujours positives, et c'est intéressant de les concevoir. Pour ta deuxième question, sur l'éthique, alors moi je suis une grande partisane de l'éthique par ma formation, parce que quand on fait des études en psychologie, on a beaucoup de cours sur l'éthique, la déontologie. Il y a un code de déontologie des psychologues, qui fait en fait état de tout ce qu'on doit faire ou toutes les choses auxquelles on doit faire attention, puisqu'on traite avec de l'humain. C'est-à-dire comment on doit faire attention au bien-être des humains en général, comment on doit être toujours dans l'honnêteté intellectuelle pour ne pas faire de mal, etc. Et ça s'applique très très bien à l'UX design, puisque dans l'UX design, ben, vous avez tous affaire à des humains, j'espère, puisque vous impliquez des humains dans vos processus. Et effectivement, il y a beaucoup de formations qui, a priori, donc peut-être même sauf en psycho, je dirais que toutes les autres n'ont pas vraiment de cours fondamentaux ou de codes, en tout cas d'éthique. Et c'est très important ce genre de choses parce que quand vous recevez des gens pour des tests utilisateurs, vous leur faites faire des choses et parfois vous les mettez en échec parce que votre système est mauvais, parce que c'est le process itératif qui fait que vous testez. Sauf que la personne, elle, va automatiquement un peu interpréter ça comme un échec de sa part. Et là, c'est très important d'avoir l'éthique pour savoir aussi mettre en confiance la personne, les rassurer, faire un entretien de débriefing. L'entretien de débriefing à la fin d'un test utilisateur, c'est 5 minutes. Il y a des consultants qui diraient que c'est 5 minutes de perdu, parce que c'est 5 minutes où vous ne bossez pas, vous ne recueillez pas des données. Mais en fait, c'est 5 minutes que vous devez à cette personne qui s'est déplacée pour vous, pour être sûr qu'elle a tout bien compris ce qui s'est passé, que toutes ces questions, enfin, vous avez répondu à toutes ces questions, etc. Il y a beaucoup d'autres situations dans le recrutement des utilisateurs, etc., dans la collecte des données, dans l'anonymat, dans la façon dont on parle même des gens, des cas qu'on a pu voir entre collègues, etc., qui relèvent de l'éthique, et je pense que c'est assez indispensable, et c'est bien que les gens en prennent conscience, qu'on mette maintenant des cours d'éthique, voire un code peut-être du designer. Alors, moi, j'ai une question. Comment dire j'ai eu un ressenti. Alors, je veux pas. Enfin, ça va être négatif nécessairement. J'ai eu un ressenti personnel très assez puissant en fait, par rapport à ce qui est présenté. Ça me fait peur personnellement. Je trouve qu'il y a une possibilité de dérive autoritaire en fait, surtout ce qui est design. J'ai hésité à prendre la parole parce que ça me chamboule un peu en fait. Et je voulais pas non plus dénigrer ce qui est fait. Après, il y a un côté qui est indéniable en fait. On veut des objets qui servent à quelque chose. C'est bête de design, de produire par centaines des objets. Et donc dans la présentation que vous en avez fait, il y a eu une grosse insistance sur c'est évident, on doit le faire comme ça. Enfin, c'est forcément positif. Et alors que moi, mon ressenti était totalement à l'opposé. Et c'est tout le design globalement qui est comme ça en fait. Alors après, c'est aussi peut-être un peu ma marotte. Je posais la question de la démocratie ce matin en introduction, mais dans le design. Qui design, qui est designé, quoi. Et c'est là où je vois la possibilité d'une dérive autoritaire, et c'est là où l'éthique est très très très très importante quand même, parce que quand on rationalise des choses, on peut les penser rationnellement. Quand on rationalise des émotions, c'est beaucoup plus difficile pour les publics ensuite. Et donc, enfin, je sais pas, je trouve ça très inquiétant. C'est une vraie, je pense que c'est une vraie peur à avoir, parce que cette peur va nous mener à des décisions éthiques beaucoup plus profondes. Quand je dis que le design impacte la société, c'est vrai, c'est ce qui est en train de se passer, qu'on le veuille ou non. Et quelque part, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est on est en capacité de façonner des expériences. On a des théories psychologiques, pas que psychologiques, sociologiques, enfin voilà, on a des théories de comment les gens pensent, comment les gens raisonnent, comment les gens perçoivent, et on arrive maintenant à avoir ce socle théorique assez puissant pour presque influencer, alors je dis presque parce qu'évidemment on n'a pas de contrôle sur tout et rien n'est une garantie à ça à 100%, hein. On façonne que ce qu'on ne peut prévoir et tout le reste se retrouve aux mains des utilisateurs. Mais moi je suis bien consciente de cette peur et ce qui me fait plus peur encore là derrière, en tant que psychologue, j'ai toujours tendance à me dire si tout le monde était psychologue, on serait tous des bisounours, on a tous notre petit code, donc on est content. Mais les gens du marketing ont exploité ce filon depuis bien plus longtemps que les UX designers. Les gens du marketing, est-ce que c'est éthique de vendre à des gens qui n'ont peut-être pas l'argent, des collections d'encyclopédies en démarchage insistant à domicile ou sur Internet dans les sites de e-commerce? Il y a beaucoup, beaucoup dans le design, mais dans la vie réelle aussi, hein, de décisions comme ça où on cherche à influencer les gens, à impacter quelque chose. Et je pense qu'on ne pourra pas éviter la communauté de vouloir maintenant façonner des expériences. La chose, c'est façonner des expériences qui font du sens et dans un respect effectivement de l'humain, de l'éthique et des choses que les gens veulent faire. Il y a un auteur qui a théorisé en fait les différents niveaux de persuasion en disant qu'en gros, la psychologie de la persuasion, elle n'est pas négative selon lui si l'action qu'on fait faire à l'utilisateur, c'est quelque chose qu'il aurait potentiellement fait lui-même un jour, sans aide extérieure ou truc très poussif. Dès qu'on passe dans quelque chose que l'utilisateur n'aurait jamais même pensé à faire lui-même un jour parce qu'il ne pense pas que c'était positif pour lui ou parce qu'il n'en aurait jamais eu envie, alors on tombe dans quelque chose qui est persuasif et qui est assez néfaste, en fait, potentiellement dans le design. Oui, juste un petit élément de réaction par rapport à la question que tu as posée. Je pense que des expériences dans le design depuis peut-être pas la nuit des temps, mais très très longtemps. Et du coup, peut-être que le designer y va de façon intentionnelle. Mais pour ceux qui ont déjà accompagné des étrangers dans une demande de visa en France et qui ont eu l'opportunité de le faire pour elles-mêmes ou pour d'autres à l'étranger, sans vouloir attaquer l'administration française, il y a un parcours utilisateur à ce niveau-là qui est décourageant. Et on peut penser à certains niveaux que ça a été dessiné pour que ça le soit. À aucun moment, il y a une vision d'ensemble, etc. Donc, l'éthique, oui, on peut en parler, mais c'est quelque chose qui s'applique depuis très très longtemps, je pense. Donc, en gros, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, en fait, moi, quand tu as présenté le schéma, en fait, avec le pourquoi, le quoi et le comment, en fait, je me suis demandé où était le qui là-dedans. Est-ce qu'il est, implicite dans le tout? Oui. Parce qu'en fait, quand on voit les émotions qui sont présentées, tout ça, en fait, j'ai trouvé ça très globalisant. On parle ici de l'humain. Et peut-être que dans UX, c'est plus user experience. Peut-être qu'ici, on essaye de morceler. C'est vraiment un questionnement, en fait. Est-ce qu'il faut chercher à faire des choses globalisantes? Dans quel cas, on aurait le qui est implicite dans tout ça? Ou est-ce que, justement, on va chercher des typologies? On va chercher à segmenter pour pouvoir, justement... c'était évoqué aussi dans les parcours du musée. Est-ce qu'il faut qu'on fasse pour tous, et donc du coup on considère l'humain, ou est-ce que justement on va chercher à plus morceler, et dans ce cas-là, voilà, où est-ce qu'on mettrait le qui dans tout ça? Alors, très bonne question. Moi, je pense pas qu'on doit faire pour tous. Par contre, ces deux théories, donc les émotions et les théories des besoins, sont des théories qui sont réputées assez universelles. C'est-à-dire qu'on ressent des émotions et elles se suggère physiquement, enfin bref, elle se reflète physiquement de la même manière à travers les cultures. Pareil pour les besoins psychologiques. Par contre, le fait qu'un système particulier va évoquer à un certain type d'utilisateur ce besoin de manière positive ou pas, ça c'est dépendant de votre contexte. Dans l'UX design, en général, l'utilisateur doit être au centre de votre réflexion et l'utilisateur de votre groupe d'utilisateurs cible. On n'a jamais l'humain, on ne peut jamais dire oh, voilà, je fais pour l'humain. Et comme j'ai cette théorie des émotions, je n'ai même pas besoin d'aller voir mes utilisateurs parce qu'ils sont transverses. Donc, dans le schéma, pour répondre, le qui, il est une première fois au niveau du pourquoi. Parce que c'est qu'est-ce qui motive votre utilisateur particulier? C'est-à-dire, quelle est l'expérience qui motive votre utilisateur particulier? Donc, à ce niveau-là, au début du process, quand vous faites votre recherche utilisateur, au lieu de la centrer sur la recherche de fonctionnalités utiles, par exemple, vous allez la centrer dans vos entretiens, dans vos observations, vos focus group, peu importe l'approche que vous avez, sur quelle est l'expérience recherchée par ces personnes. Et du coup, vous pouvez raccrocher sûrement cette expérience à l'une des théories qui est relativement universelle, mais c'est quand même, vous avez prioritisé, vous avez choisi cette expérience particulière parce que vous avez étudié vos utilisateurs. Ensuite, dans le quoi, c'est là que se matérialise beaucoup, enfin vraiment cette notion d'utilisateur, puisque le quoi, quand vous choisissez les fonctionnalités, que vous allez commencer à décider des grands trucs de votre système, vous déroulez les méthodes du UX design classique, donc vous avez un feedback itératif classique avec des utilisateurs. Donc dans le quoi, ils sont toujours, vous êtes en questionnement constant avec vos utilisateurs. Et dans le comment, c'est aussi après comment l'interaction, le design d'interaction est créé pour vos utilisateurs particuliers. Mais donc, ils sont toujours présents et ils ne sont pas universels. Même si j'ai tendance à dire, il faut concevoir pour l'humain, mais l'humain que vous avez en face de vous. Il ne faut juste pas l'appeler utilisateur parce que c'est un peu instrumentalisé. Alors, il est 26, il reste deux questions de personnes qui ont levé la main, donc on va essayer de faire vite pour pouvoir faire la courte pause après. Oui, je réponds au moins. Vous avez parlé un peu de l'expérience mémorable et aussi de ces objets neutres ou interfaces neutres ratées. Mais de l'autre côté, je me dis, si tout était très mémorable, est-ce qu'on n'aura pas une overdose de... Voilà, c'est quoi votre point de vue là-dessus ? Effectivement, eh ben, j'y ai pas pensé. C'est vrai que si on était over attaqué de choses mémorables, on aurait un flux trop, trop important. Et je pense qu'effectivement, il faut... Ouais, alors, on est un peu pour l'instant dans une pénurie d'expériences mémorables avec les technologies, donc on pousse tous pour faire plus d'expériences mémorables parce qu'il en manque un peu. Mais si tous les designers devenaient magnifiquement bons et que tout le monde arrivait à faire que des expériences mémorables, alors nous aurions un monde bizarre où nous serions surstimulés. Mais sûrement qu'à ce moment-là, on aurait un petit peu peut-être une espèce de... Comment dire ? Graduellement, les gens se lasseraient de quelque chose qui était perçu comme mémorable, comme un effet d'habituation. Où finalement, on s'habitue à quelque chose qui est bien au fur et à mesure que quelqu'un nous propose quelque chose qui est mieux et qui est mieux. Mais c'est peut-être une escalade d'engagement qui est un petit peu aussi à réfléchir. Effectivement, bonne réflexion. Encore une ? Dernière question. Mais je suis encore là après, si besoin. Oui, non, c'est juste parce que, pour revenir juste sur la question de l'éthique, parce qu'en fait, cette question a traversé toute la journée. Et les réponses, moi, m'ont semblé quand même... pas très satisfaisante, c'est-à-dire que toutes les réponses, pas juste la tienne, c'est-à-dire que chaque fois on a dit oui c'est très important, il faut faire très attention, oui c'est très important, il faut faire très attention, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Donc moi je me demandais si il n'y aurait pas vraiment un code à mettre en place, des règles et avec des engagements. Alors le code, est-ce que ça ne serait pas plutôt du côté des universitaires à s'y coller, hein, parce que c'est un peu leur boulot d'analyser, de proposer un certain nombre de choses. Et par contre, les engagements, ça veut dire une organisation plus sérieuse de la profession et avec peut-être des cartes professionnelles ou je ne sais pas quoi, des chartes à signer ou des trucs comme ça. Mais est-ce que maintenant, quand même, on n'est pas arrivé à cette étape-là ? Parce que sinon, c'est vrai que sinon, on le voit bien, il y a une inquiétude globale et cette inquiétude globale, elle va se retourner complètement contre la profession elle-même. Il y aura une perte de confiance immédiate. Et elle est déjà d'ailleurs là, hein, très, très souvent. Il suffit de penser simplement aux données personnelles. Hein. Donc, voilà. Je pense que c'est vrai qu'il va falloir à un moment, effectivement, procéduraliser et faire quelque chose de concret là-dessus. Mais il y a toujours un souci quand on dit on est arrivé au niveau de maturité nécessaire. Quand je vois la communauté, la variété de communautés qui est impliquée dans le terme UX design, ou comment on l'appelle, il y a des gens de partout. Parce qu'on n'a pas encore de formation tellement unifiée. Hein, si on regarde les parcours de master, etc., on a effectivement de l'architecture de l'information ici. Après, on a des écoles privées de web qui font à partir du master. On a Anne Guénon sur Paris. Mais on n'a encore pas grand-chose, finalement, pour unifier sous un même métier. Et chacun a l'impression d'avoir un petit peu un métier différent tout en étant un petit peu pareil. Mais on a un problème de communauté, déjà, de dire qui serait sous notre code, quelle université. Est-ce que le marketing, on le met dans notre code parce qu'ils font, finalement, de l'UX design quand ils créent des systèmes aussi? Enfin, qui on va mettre dedans et qui va se sentir impliqué, c'est ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Mais je pense que ça va venir, oui. L'ENS voudrait commencer ? Moi, je suis, hein.